Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 1er mars et nous souhaitons une bonne fête au Aubin. Ça vient du latin signifiant blanc. Aubin est un homme introverti, secret et réservé qui tente à se préserver du monde qu'il redoute quelque peu. Souvent timide, sa sociabilité est indissociable d'un certain élitisme. Aubin préfère être seul plutôt que mal accompagné. C'est un homme cérébral, enclin aux spéculations de l'esprit, facilement inquiet et tourmenté, pessimiste devant la vie qu'il juge d'emblée inquiétante. Pragmatique et rationnel, il a besoin de se rassurer et animé par une certaine méfiance instinctive. Cependant, c'est quelqu'un de sérieux sur qui l'on peut compter. Il possède une bonne moralité et à l'écoute des autres. S'il vit son ombre actif en deux, il se montrera sensible, impressionnable et recherchera surtout la sécurité. Affectif, tendre, réceptif aux autres, il tente avant tout à se protéger, à se préserver des problèmes ou des difficultés qu'il redoute. Ainsi, préférera-t-il une vie bien organisée, voire un peu monotone. Mais la métamorphose étant toujours possible, il peut aussi vivre son ombre actif en 11 et acquérir une certaine force morale et physique, un ascendant sur les autres en concrétisant ses aspirations élevées, souvent humanitaires ou sociales, développant intuition, sciences psychologiques et inspiration. Le temps est toujours avec lui et s'il se montre tenace et persévérant, il récoltera le fruit de ses efforts. Mais le revers de la médaille sera sans doute un climat de grande tension nerveuse. Sous l'influence de ce mettre nombre, il tente en effet à tout porter sur ses épaules, ce qui pourrait le rendre au fil du temps moins tolérant, plus impatient ou même fanatique. Dicton du jour, alors on en a plusieurs. Aujourd'hui, on commence avec un dicton qui nous vient d'Aquitaine et qui dit « À la Saint-Aubin, c'est du vin quand le buisson goûte au matin. Le jour de la Saint-Aubin, coupe la queue à ton poulain. » Un dicton du Beauce Gâtinais qui dit « Neige ou pluie de Saint-Aubin, année sans paille ni grain. » Un dicton de Dordogne maintenant, « Quand il pleut à la Saint-Aubin, l'eau est plus chère que le vin. Qui taille sa vigne à la Saint-Aubin aura de gros raisins. S'il pleut à la Saint-Aubin, il coulera bien trop de vin. » Un dicton d'Ille-et-Vilaine qui dit « S'il pleut à la Saint-Aubin, il n'y aura ni foin ni lin. » Et on termine avec celui-ci. « Lorsqu'au 1er mars, le printemps s'apprête, la couleuvre sort la tête. » Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la protection civile, commémorant la constitution en 1972 de l'Organisation internationale de la protection civile en Bosnie et Herzégovine, fête de l'indépendance. La Fédération croato-bosniaque commémore son indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie lors du référendum en 1992. En Bulgarie, c'est Baba Marta et Bartenitsa qui célèbrent à la fois l'arrivée prochaine du printemps et les racines de la nation bulgare. Aux îles Baléares, eh bien c'est tout simplement le jour des îles Baléares. Aux États-Unis, c'est la fête nationale du cochon et également la journée du sourire. Et en Islande, c'est le jour de la bière, à consommer bien évidemment avec modération, qui commémore la fin en 1989 de 74 années de prohibition de cette boisson. Et dans les événements qui se sont déroulés un 1er mars en 1926, c'était la sortie du premier film d'Alfred Hitchcock, intitulé Le Jardin des Plaisirs. En 1967 avait lieu en France la création des parcs naturels régionaux. Et en 1976, c'était la sortie du film Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman avec Jack Nicholson. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le chanteur Nick Kershaw et son titre Wouldn't It Be Good. Thank you. I were you, I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes, if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every. Chaud sur RGM, presque 8h39, on parle anniversaire. Ils sont nés un 1er mars 1926, naissance de Robert Cléry, acteur américain d'origine française, connu pour son rôle du caporal Louis Lebeau dans la série Papa Schultz, vu également dans Les Feux de l'amour et Des jours et des vies dans le rôle de Robert Leclerc. 1935, naissance de Robert Conrad, acteur américain, connu pour avoir joué les rôles de James T. West dans la série télé Les Mystères de l'Ouest entre 1965 et 1969, et le rôle de Papy Boynton dans la série Les Têtes Brûlées de 76 à 78. 1938, naissance de Pierre Bénichoux, journaliste chroniqueur télé radio français, membre régulier de l'émission de radio Les Grosses Têtes. 1940, naissance d'Étienne Moujotte, journaliste français. 1944, naissance de Roger Daltrey, chanteur britannique, membre fondateur du groupe The Who, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Baba O'Reilly. Thank you. Voilà, c'était un extrait de Baba O'Reilly, hein, du groupe The Who. Je sais pas vous, mais à chaque fois, moi, je pense à la série des experts. Allez, on continue les experts, les anniversaires, c'est mieux. 1945, naissance de Dirk Benedict, acteur américain connu pour son rôle du lieutenant Starbuck dans Galactica, vu dans Drôle de Dame, La Croisière s'amuse, dans le rôle de Jeff Dalton, mais connu surtout pour son rôle de Futé dans L'Agence Touriste. 1954, naissance de Catherine Bach, actrice américaine connue pour son rôle de Daisy Duck dans la série Shérif, fais-moi peur. C'est également l'année de naissance de Ron Howard, acteur réalisateur américain vu dans American Graffiti ainsi qu'American Graffiti la suite dans le rôle de Steve Bolander. La série À quelle famille dans le rôle de Bob Smith, Happy Days dans le rôle de Richie Cunningham, réalisateur d'Apollo 13, Le Grinch, un homme d'exception récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur, Da Vinci Code, Ange et Démon ainsi que Inferno. 1958, naissance de Nick Kershaw, chanteur anglais. 1959, naissance de Bambou, mannequin, chanteuse française qui fut la compagne de Serge Gainsbourg dans les années 80. 1964, naissance de Paul Le Guen, ancien joueur de foot français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1984 à 1998 en jouant à Brest, Nantes et au PSG. Entraîneur depuis 1998, il a entraîné le Stade Rennais, Lyon, les Glasgow Rangers, le PSG, l'équipe du Cameroun, l'équipe d'Oman. Et entre 2017 et 2018, il a été l'entraîneur du club turc Bursaspor. 1967, naissance de George Eads, acteur américain et bâti en parlait des experts, connu pour son rôle de Nick Stokes dans la série Les Experts, vu également dans la série Savannah dans le rôle de Nick Corelli, Urgence dans le rôle de Greg Powell, mais en ce moment on peut le voir dans la série MacGyver dans le rôle de Jack Dalton, d'ailleurs la série MacGyver qui va bientôt faire son retour en France. 1969, naissance de Javier Bardem, acteur espagnol vu dans Talon Aiguille, Jambon Jambon, Hot Shots 2, Collateral, No Country for Old Men, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Vicky Cristina Barcelona, Skyfall dans le rôle de Thiago Rodriguez alias Raúl Silva, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar dans le rôle du capitaine Salazar. 1971, naissance de Dick Norman, ancien joueur belge de tennis, qui a fait carrière de 91 à 2013, plutôt joueur de double. Hein. D'ailleurs, en double, il a été 10e mondial en 2010, une fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à l'Open d'Australie. 1973, naissance d'Hassan Kouba, acteur français connu pour son rôle du lieutenant Mickey Zafraoui dans la série Diane Femme Flic. C'est également l'année de naissance de Ryan Peake, guitariste canadien du groupe Nickelback. 1974, naissance de Mark Paul Gosselin, acteur américain connu pour son rôle de Zach Morris dans la série Sauvé par le Gong et celui de Peter Bash dans Franklin and Bash. 1975, naissance de Cécile Reboa, actrice française connue pour son rôle d'Audrey Salucci dans la série Avocat et associé celui de Corinne dans Fais pas ci, fais pas ça, vu également dans Lebowitz contre Lebowitz, Coup de foudre à Jaipur, Le Tueur du Lac, Candice Renoir, Les Chamois ou encore Shérif. 1978, naissance de Jensen Ackles, acteur américain vu dans les séries Des Jours et des Vies, Dark Angel dans le rôle d'Alec McDowell, Dawson dans le rôle de CG, Smallville dans le rôle de Jason Tigg et depuis 2005, il incarne Dean Winchester dans la série télé Supernatural. 1981, naissance de Robinson Stevenin, acteur français vu dans Mauvaise Fréquentation, Mauvais Genre, actrice, les séries Profilage, L'Amante dans le rôle d'Alex Crozet et a noté qu'en 2002, lors de la Nuit du César, il a reçu celui du meilleur jeune espoir masculin. 1986, naissance de Christophe Licata, danseur professionnel et chorégraphe français. 1987, naissance de Keisha, chanteuse américaine notamment connue pour son titre TikTok, dont on écoute tout de suite un extrait. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voilà pour Keisha. Allez, on continue les anniversaires. 1989, naissance de Malik Bentala, humoriste et acteur français, vu dans New York. Alors, le film, je vais m'épargner la prononciation, mais vous savez, hein, sur le célèbre volcan islandais avec un nom imprononçable, hein, aux côtés de Danny Boone. Vu également dans Robin des Bois, La véritable histoire, dans le rôle de Frère Tuck. Pattaya, dans le rôle de Crimo. Taxi 5, sorti l'année dernière, dans le rôle d'Eddie McClouf. Ainsi que Le Doudou, sorti l'année dernière, dans le rôle de Sofiane. Et actuellement au cinéma, dans le film Jusqu'ici, tout va bien, dans le rôle de Samy. 1994, naissance de Justin Bieber, chanteur canadien, également acteur. On l'a aperçu dans deux épisodes de la série Les Experts, dans le rôle de Jason McCann. C'était pas vraiment un gentil. Et on écoute tout de suite un extrait de son titre, What Do You Mean? What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Voilà pour l'extrait de Justin Bieber, What Do You Mean? En 2014, on apprenait le décès d'Alain Resnais, réalisateur, scénariste français à qui l'on doit Hiroshima, mon amour, Providence, qui avait reçu le César du meilleur film et le César du meilleur réalisateur. Smoking, No Smoking, récompensé également par le César du meilleur film et du meilleur réalisateur. Ou encore, on connaît la chanson César du meilleur film. Avant de s'écouter la chanteuse Bambou, depuis tout à l'heure, je vous parle des séries, notamment des Experts ou encore de MacGyver, qui va bientôt revenir en France pour une nouvelle saison inédite. Eh bien, une autre série va bientôt revenir. On a appris ça hier matin. Je vous fais écouter un extrait du générique. Alors, les plus jeunes d'entre vous n'auront sûrement pas reconnu ce générique culte hein, d'une série des années 90. Par contre, les trentenaires comme moi, eh bien, on connaît ce générique par cœur. C'est bien sûr le générique de la série Beverly Hills. Eh bien, on a appris que cette série allait revenir cet été. Alors, bien sûr, d'abord aux États-Unis, avec 6 nouveaux épisodes avec le casting d'origine. En tout cas, on l'espère, puisque un petit peu plus tard dans la journée d'hier, on a appris que l'acteur Luke Perry, qui incarnait Dylan McKay dans la série Beverly Hills, eh bien, avait été hospitalisé hein, hier après-midi suite à un AVC à l'âge de 52 ans. Alors, on espère que ça va aller pour lui et que la série donc, Beverly Hills pourra revenir cet été avec son casting original pour retrouver Brandon, Donna, Kelly, enfin, et bien d'autres. Hein. Qu'on connaît bien évidemment par cœur. On a grandi avec eux, si je puis dire. Allez, on va donc tout de suite marquer une nouvelle pause avec la chanteuse Bambou et le titre Nuit de Chine. Nice, nice in China. Quand le soleil descend à l'horizon, à Saigon, les élégants s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris. Où volent les oiseaux jolis du paradis, tendrement lacés, se crissant de baisers. Les amants de par deux cherchent les coins nombreux. Nuit de Chine. Nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au bout. la rivière, entendez-vous ces chants tous et charmants. Bateaux de fleurs où les couples en dansant font des serments. Pays de rêve où l'étranger cherche en oubli de son passé. Dans un sourire à retrouver la joie d'aimer. Éperdu, le danseur croit au songe menteur. Pour un soir de bonheur, on y laisse son cœur. Mais jolie, dans mon cœur est épris, je veux l'oubli. Puisque de toi mon amour a fini, reste compris. L'opium endort, les malheureux les emporte jusqu'aux cieux. Dans un nuage merveilleux de fumée bleue, dans le soir qui s'enfuit, loin des champs, loin du bruit. Sur la natte endormie, le beau rêve. Avec le titre Nuit de Chine sur le 107FM. Il est un peu plus de 8h54, on parle météo. La météo. Alors, on ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Eh bien, elle est de retour. Je parle bien évidemment de la pluie. Des températures comprises aujourd'hui entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 9 et 11 degrés pour cet après-midi. Samedi sera une journée mitigée. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévues pour samedi après-midi. Dimanche, journée mitigée également. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévues pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tennis, tournoi de Dubaï et nouvelle victoire pour Gaël Monfils en 3-7. C'était face à Berrankis, 6-6-7-6-2. Beaucoup disent que c'est grâce à l'amour qu'il enchaîne les victoires et qu'il est plus sage sur les cours. Peut-être, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, Gaël Monfils affrontera aujourd'hui Tsitsipas. Gros match. En basket, en NBA, l'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, à 8 petits points, s'est imposée 103-96 face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, tout de même à 33 points. L'équipe de New York de Tilly Kinap, sont toujours blessés, s'est incliné face à Cleveland. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 16 points s'est imposé face à Denver, 104-111. Du côté de chez nous, en Pro B ce soir, Nancy reçoit Caen. En National 1, samedi, le Jet Vosges recevra Récy-Saint-Martin. Et en National 3, Mirecourt se déplacera à Noisy-le-Grand. En hockey sur glace, en Détroit, match retour pour Épinal, qui reçoit donc l'équipe 2 de Nice. Et samedi à 18h10 à la patinoire de Poissompré. Je vous rappelle qu'à l'aller, les Spinaliens l'avaient emporté 12-5. Un mot de football maintenant avec du football féminin et le match amical et l'équipe de France qui s'est inclinée 1-0 face à l'Allemagne. En Ligue 1, samedi, Caen affrontera le PSG, Angers, Monaco, Nîmes, Rennes, Reims, Amiens. Dimanche, Guingamp affrontera Nantes, Lille, Dijon, Nice, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Marseille, Saint-Etienne. Et mardi, il y aura Bordeaux face à Montpellier. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Sochaux et Metz jouera lundi soir à Le Havre. Et en National 3,